Retrouvez tous nos podcasts sur lamourado.fr. L'atelier théâtre est proposé par Madame Berthe, prof de lettres, tous les mardis de 17 à 18h. Cet atelier est ouvert à tous et il est notamment très utile pour les premières et les terminales qui ont le bac de français et le grand oral. Donc en chaque début de cours ou à l'atelier, nous avons des exercices que Marie va vous présenter. Donc ces exercices, ils ont pour but d'apprendre à parler et surtout devant un public. Grâce au théâtre, on peut faire un lien dans la communication, c'est-à-dire réussir à mieux parler dans la vie de tous les jours sans stresser ou angoisser. Par exemple, pour un entretien d'embauche. Qu'est-ce qu'on y travaille au théâtre, Marie ? Alors, on y travaille la posture, la gestuelle, la déclamation et le travail d'équipe, donc tous les aspects essentiels pour une pièce de théâtre. On fait plusieurs exercices au théâtre, comme des exercices d'improvisation, du téléphone arabe, mais aussi exprimer nos sentiments uniquement avec les yeux. Et plein d'autres exercices très amusants que nous propose Madame Berthe. Que tout ceci va nous aider à présenter donc fin mai la pièce écrite par Madame Berthe nommée Les 12 coups du Brigadier. On vous attend tous au mois de mai. L'Amour Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur l'amourradio.fr.